é o meu pote, The Finish Freestyle. Pau, pau, pau, pau. Ha, ela, yo, yo. Cherche pas, c'est toi le champion. Eh ouais, bon, tu veux savoir à qui revient ma dédicace? Ben, à tous ces mauvais garçons au grand cœur. Eh ouais, mon pote, malgré mes airs de mauvais garçon, ben, je pousse mon style à la perfection et rien à faire si j'ai pas les gros plans. Eh ouais, je suis loin du stade de la déception et plus je regarde ce monde, moins je me pose des questions. Une chose est sûre, mec, ben, regarde la balle, elle est dans ton camp. En tout cas, je suis ni une victime ni quoi que ce soit de ce genre, mec. Alors. Hasta luego. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. Game over.